Les passagers à destination sont priés de se présenter, porte B. Ladies and gentlemen. Are you ready? Let's go! Are you ready? Passez une bonne soirée comme chaque dimanche soir à Rice Supreme. DJ KZ est là en pleine forme. Toujours comment là, ça va, hein? Rendez-vous. Prêt, paré? Bah oui, paré tout le temps. Il y a Fabien qui est avec moi. Bah comme d'hab, la fine équipe. Là, d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, Fabien, c'est celui qui est, c'est l'homme de l'ombre. Il est là, c'est lui qui touche à tous les boutons, qui monte bien le truc et tout, machin. Fabien. Donc big up à Fabien. Donc n'hésitez pas à lui envoyer des petits hashtags. Des petits hashtags, comme ça il sera content. Voilà, ça lui fera plaisir. Bon, c'est parti pendant une heure. Qu'est-ce qui va se passer pendant une heure, bah, de la musique, du son, le feu et voilà, l'ambiance, la danse, tout ça. Là c'est le dernier week-end du ramadan. Mm-hmm. Donc le ramadan normalement se terminerait cette semaine. Je tiens aussi à féliciter tous les bacheliers qui ont eu leur bien sûr, comme on les on ils va souhaitaient pas les oublier, beaucoup de courage aux autres. Ouais, c'est ça aussi. Bon, et Case, et yes. Tu n'es pas tout seul. Bah non, je suis pas tout comme seul. Comme d'hab, on parlait de Fabien, mais il n'y a pas que Fabien. Yes, je suis venu aussi avec un chanteur de la nouvelle génération Rai. Mm-hmm. Il s'appelle Aaron. Il est là sur plein de projets, dont le mien. Et là ce soir, il va nous interpréter certains titres. Il va être là un peu au micro. Et il est dans le projet Oriental Family qui sort, je crois, bientôt. Je vais laisser. Oriental Family, bientôt. On est sur Paris Euro New York aussi, sur deux gros titres avec DJ Kays. Mm-hmm. Et ce soir, on va vous ambiancer. Bon, tout va bien, Ron, en pleine forme. Cool. Tout passe bien. Top. Content d'être là. Rai Supreme. Et bon, on peut donner le coup d'envoi peut-être, Kays, c'est parti. Ouais, on y go. Allez, coup d'envoi de ce Rai Supreme ce soir. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rai Supreme en direct sur Skyrock. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis encore minuit, avec moi-même, je suis pas souffle, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon master, si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ Kays. J'suis en amie avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha. Jo kani dekh pai vich roye, o tera rakham le aaye, o

c'est Rai Suprême. Skyrock. ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرب تصرفيا ليلي ليلي خويا واش تقولي بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرب تصرفيا secret c'est lui et moi. Et ce son c'est fait pour vous. Thank you.

J'reste blédard, débrouillard, j't'annonce. Ramène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe éco, dilo, sac à dos. Partir loin, sans les coussins, les placards, c'est dur. J'me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Confiésale. chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. J'ai fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. T'as souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le faire pas délice. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus Maroc, bête de fils. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nachetan, en bécane, Didi Kai, c'est artiste, c'est obligé que t'es fan. Sur Tanger, la beauté marocaine sait s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case, avec Aaron qui est là aussi. Bien sûr, on a Aaron pu entendre. Il est là, Aaron. Il est présent sur Paris en New York. C'est ça, Paris en New York qui est toujours dispo d'ailleurs. Mmh. Toujours dispo dans les bacs et sur le son des vacances. C'est ça, le son des vacances. L'album il tourne bien, il commence à bien se propager. On l'entend dans les voitures, donc ça fait super plaisir. Et Aaron, ouais, qui est sur trois titres dans le projet. Donc j'étais obligé aussi de l'inviter sur Rail Suprême pour le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bah Aaron, parle-nous un petit peu de toi, ton parcours rapidement, un petit CV express pour les gens qui vont découvrir ce soir dans Rail Suprême. Ouais, j'ai commencé en fait, j'étais finaliste de Music Explorer. Derrière, en fait, j'ai fait 2-3 compiles. Et là, ça finit en faisant la compile de DJ Kais. Pour moi, c'était quelque chose qui me fait super plaisir. Tu l'écoutes depuis tout petit et tout, voilà. Allez hop, 10 ans dans la gueule. Et là, il est avec nous, là, maintenant. Et là, tu vois, aujourd'hui, je suis sur Rail Suprême et je suis content de faire ça. Il y a Oriental Family qui arrive le 28 août, où j'ai pas mal de titres. Donc, j'ai mon dernier single qui est sorti lundi dernier, Saïba Liaï, ça prend bien. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. On est reparti pour une nouvelle session, Kais. Allez, on y go. C'est parti. Les passagers à destination sont priés de se présenter, porte B. Ladies and gentlemen, dimanche soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready?

إلى مزري سمحولي وسلي ما عينيك ملاح دي دي دي جي كيز سكيوج هاي سوبريم هك على طاجين فارس هك على موز البان هك على حلوة C'est Rail Suprême. Salut la famille, c'est DJ Kayz. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. famille le 28 dans les bacs, les amis. Saïvalia, le vni est Saïvalia. Saïvalia, le vni est Saïvalia. Je vais faire un sport en cette vie. Je vais faire un sport en cette vie. Mystique, Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Apprécier la merveille, rien n'est plus comme la veille. Pas le jour de la paix, mais le jour de la paix. Toujours frais, chambon, mon parfum c'est oseille. DJ Play, mon son, il se ruine en bouteille. Incroyable mais vrai, MC en BBK. M'arrive toujours pas à la cheville, encore moins à l'orteil. J'ai dû m'envoler, blasé, pas le sommet. Veulent me violer, bronzer, sous mes rayons de sommeil. Font les bonnes, font les jokes, stupides dans leur clip. Et non pas le charme du ghetto, dans la rue ça part plus vite. Flic, bang, j'suis pas un boy span, ni un gangster. Les chaloux font les dingues, savent devant qui est cancer. Monde au sous le désincère, tant qu'à faire. Monde un libéral qui s'insère, légendaire. Pour les gens durs, je suis tout ce que j'en veux. En temps d'air, il porte un string dans mon flingue, c'est un joueur en dur. C'est Rail Suprême. Direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h, avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Paris, Oran, New York. Houston encore. Pas pressé, je suis en train. Je m'arrête tranquille sur une aire de repos. Kitty Chance, Paris, Oran, New York. Sur un fond, DJ Case, à l'aise. Je vois tous les jeunes de France au plus balèze. C'est l'album qui fout. J'ai passé l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages. Rental Family le 28 août, les amis. Chemin, si t'es perdu. Donne-lui. Pour rester éveillé, enchaîne les Red Bull. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Arrivé devant le bateau, je vois que des Marocains. J'en ai l'odeur du bled, ça y est, je suis bien. C'est Rail Suprême. Je mets tout le monde d'accord. Moi c'est Hussein, j'arrive à bord. Tu portes avion de chasse, juste un record. Trop vrai, trop hardcore. La calage va encore cribler tout le décor. J'ai du plomb dans le chargeur, ils en ont dans le corps. A chaque apparition, ils en redemandent encore. Ratatatatata. Chicha, gros poule, gringouze à ma table. Avec DJ Case, en showcase. Sur n'importe quel beat, je suis imbattable. PPT, la voix du DZ. Pilon de PR, de vodka. C'est pour Merbeini, Casablanca. Jusqu'à Casablanca. En bonne soirée, on s'en jaille. Halalala. Appelle les potos, tous ensemble, ta ta ta. Paris, Oran, New York, Casa, Punta Cana. Aaron, DJ, Case, gros son, grosse banana. Je te l'ai dédicacé, celui-là. Attends, je me barre au bled. 6.3, Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde est hors d'elle. C'est le mariage du cousin, c'est né dans le cortège. Bord de mer, créature de rêve. Allongé sur le sable, couché de soleil. Nique sa mère, soir, j'ai pas sommeil. Mais une fois l'envie de cramer tout mon oseille. On sait, ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Moi, j'kiffe pas trop le champagne. C'est pour mes rêves qui sortent du bagne. De Bruxelles, Metz, Orléans, Lyon, Marseille jusqu'en Espagne. En bonne soirée, on s'enjaille, halalala. Appelle les potos tous ensemble, ratatata. Paris, Oran, New York, Casa, Punta Cana. Par un DJ Case, gros son, grosse banana. Suprême. Rail suprême le dimanche soir, et c'est déjà la fin. Oui, oui, oui. Mais comme, oui, excuse-moi de t'interrompre. En fait, bah, comme les. comme. Oui, parce que là, je m'exprime avec les mains et j'aurais dû m'exprimer avec la bouche. Et en fait, comme vous avez pu le constater, on... Mais c'est, je m'exprime avec la bouche. Lui, tu lui dis ça, ça l'excite, là. Ah, c'est pour ça. Le mec, c'est, tu lui dis quand ça. On parle de bouche. Dès que tu parles de bouche, le gars, ça y est, il est en transe, quoi. Et quand, on va parler des gens sans cou, alors. Oh, bah. On va parler des hommes. Dédicace sans à l'homme sans cou, quoi. L'homme sans cou. 400 coups, 100 coups. L'homme aux 400 coups, quoi. Ouais, une belle soirée. Oui, oui. Remplie ouais. de nouveautés, des classiques. Mais pour tous ceux qui nous ont suivis, ils ont pu constater qu'on bon, on triche un petit peu. On rajoute 15, 20 minutes en plus. Ouais, on ah, gratouille un petit peu. C'est Fabien, l'homme sans cou, qui nous. Qui, nous rajoute. Qui rajoute quelques sons en plus. Qui rajoute quelques sons en plus. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous l'ont demandé. Donc, avec le hashtag Rail Suprême, ils sont là, ils nous soutiennent. Donc, gros big up à eux. J'espère qu'on met les musiques un petit peu qui vous conviennent. Bah, n'hésitez pas à demander aussi. Hein. Bah oui, c'est ce que toute la semaine. Vu que c'est en live, on répond à votre demande en live. Et rappelle-nous d'ailleurs les réseaux sociaux pour te suivre. Les réseaux sociaux, moi sur Facebook, c'est DJ Case, la page fan. Donc, DJ espace KAYZ. Sur Instagram, Twitter, Snapchat, c'est DJ Case Paris, DJ KAYZ, PARIS. C'est très simple, je suis facile à trouver. Et toi, Aaron? Pour ma part, moi c'est Aaron officiel sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, c'est toujours pareil. Aaron. Aaron. H-A-R-O-N. Officiel. Voilà, lui c'est très simple aussi. C'est simple. Et Aaron, on le trouve évidemment dans Paris Euro New York et le 28 août aussi dans les bacs. Bon, merci à vous deux. En tout cas, merci Case d'être passé durant cette soirée. C'est toujours un plaisir. Dans Rail Suprême. Toujours un plaisir. Et Rancard la semaine prochaine aussi. Bah ouais, bien sûr. À pas louper. Bah la semaine prochaine, on sera là. Nous on n'est pas en vacances pour le moment, non. Et bah rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous tous d'avoir suivi sur Rail Suprême. Prochain rencard dans une semaine. Et là, c'est reparti pour du son sur Skyrock Rap, R&B en non-stop. Ciao. Ciao. Skyrock. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Yeah, yo.